Chapitre 15. Quand Antoinette arriva aux Roches, le valet de chambre de M. de Bièvre lui dit que ces messieurs n'étaient pas encore rentrés. Ils ne devaient pas être loin. On venait d'entendre des coups de fusil derrière le château. Comme il lui offrait d'entrer, elle refusa, préférant aller au-devant des chasseurs. Elle partit, regardant le grand château accroché au flanc de la forêt, suspendant à pic au-dessus de la Moselle sa masse de granit sombre surmontée de toits immenses et aigus. Souvent, elle avait vu les Roches en passant sur la route, mais sans se rendre compte des proportions gigantesques de l'habitation, sans voir les merveilleuses dentelles de pierre de la chapelle et des tourelles. Guy avait raison, c'était vraiment superbe. Tandis qu'elle marchait lentement, se retournant à chaque pas pour admirer le château et le parc aux grandes pelouses, semées çà et là de beaux arbres, elle entendit tout près d'elle la voix de M. de Bièvre qui criait « Par ici, Guy, il y a un passage !» La haie s'ouvrit et Jacques sauta dans l'allée suivi de son chien, un beau grand épagneul orange. En voyant Madame d'Étiolles qui le regardait en souriant, toute fraîche dans sa toilette blanche, sous sa grande capeline de paille couverte de roses naturelles, il s'arrêta court et devint très pâle, si surpris, si ému de la trouver là, qu'il resta un instant stupide sans rien dire. Antoinette s'aperçut de son trouble et en fut un peu gênée. « Ah ! » dit-elle en riant, « vous ne vous attendiez pas à me voir là ?» Et se retournant vers son mari qui passait à son tour par l'ouverture de la haie, elle demanda « Vous n'avez donc pas dit à Monsieur de Bièvre que je devais venir ?» Guy retira son bras qu'il avait replié devant ses yeux pour traverser les épines et répondit « Non, comme je n'étais pas absolument sûr que vous viendriez, je n'avais rien dit à Jacques pour ne pas lui faire une fausse joie. » Monsieur de Bièvre avait repris son flegme habituel. Un peu de rouge revenait à ses joues maigres et hâlées, et il disait à Antoinette « Le fait est que c'est bien gentil à vous d'être venu chercher Guy. Je vous suis très reconnaissant de votre visite. » Il ajouta en riant « D'autant plus reconnaissant que vous me l'avez fait attendre longtemps, avouez-le. » Et comme ils arrivaient dans la cour, « Je vais vous montrer mes fleurs, mes chevaux, toutes mes bêtes. Ah, vous savez, je ne vous ferai grâce de rien, parce que je veux vous garder très longtemps. » D'Étiolles montre à l'horloge des écuries. « très longtemps, c'est qu'il va falloir que je m'en aille, moi. J'ai une lieue à faire pour rentrer à Étiolles, à m'habiller, à refaire deux lieues pour être à la Soleil, tout ça pour 6h30, c'est court. Alors c'était bien la peine de faire venir ici ta femme. Que veux-tu, je suis... Tu es un joli lâcheur, voilà ce que tu es, oui. Depuis 3 mois, tu me promets de faire l'ouverture aux Roches, de passer la journée avec moi. Moi, je compte sur toi, je n'invite personne. » Parce que je sais que tu aimes mieux plus de gibier et moins d'invités, et puis, va te faire fiche, tu me plantes là, tout seul. Comment je te plante là? Mais je suis venu à 6h du matin, et je ne te laisse qu'à l'heure du dîner. Oui, c'est bien ça, c'est délicieux de dîner seul un jour d'ouverture. C'est vrai, je suis toujours seul, comme un vieil ours. Je suis habitué à dîner seul, le 1er janvier, le jour de Noël, le jour de ma fête, les jours enfin... où d'habitude on a des gens quelconques autour de soi. Je suis tout seul, moi, et j'en prends mon parti. Eh bien alors? Eh bien, le jour de l'ouverture, c'est différent. Ça m'horripile d'être tout seul. Ça me tape. Et quand, au lieu de me trouver en face de mes œufs brouillés et de mes côtelettes habituelles, je vais me trouver en face de ton dîner, mon dîner. Je pense que tu n'avais pas fait faire un dîner pour moi. Je te demande pardon. Comme tu es gourmand, j'en ai fait faire un. Écoute, s'écria tout à coup M. d'Étiolles. « Ne grogne pas, j'ai une idée. On va te le manger, ton dîner. » « Qui ça ? Antoinette ?» Et comme Jacques, abasourdi, ne trouvait rien à dire, « Eh oui ! Pourquoi ne resterait-elle pas à dîner avec toi ? Comme ça, tu ne seras pas tout seul, n'est-ce pas, toi, non ?»« Mais, » murmura la comtesse, « mais, et maman ? Eh bien, je vais la prévenir, maman, puisque je rentre. Et si ça lui chante, elle aura encore le temps de venir dîner avec vous. » « Sur ce, je file, moi. » Il s'approcha de la Victoria qui attendait dans la cour, fit monter son chien et s'installa rapidement en disant au cocher « Nous rentrons. » Au moment de passer la grille, il se retourna et cria à Antoinette restée immobile à la même place, à côté de Jacques. « Dans tous les cas, le coupé viendra vous prendre à 11h. » Elle fit un signe de tête et voyant que M. de Bièvre interdit ne bougeait pas, elle lui dit « Vous allez me montrer les Roches ? Et les jardins, et les bêtes? Oui. Il la regardait, soumis et heureux. Elle aussi le regardait. Il lui apparaissait aujourd'hui dans son vrai cadre, et elle était frappée de sa haute mine. Il lui semblait un autre homme qu'elle voyait pour la première fois. La tête, toute petite, était posée sur un cou énorme, mais long et bien détaché, aux épaules tombantes et larges, les hanches fines, les jambes trop longues, vigoureuses et musclées, les bras, longs aussi et osseux, avec des poignets d'une finesse excessive. Et dans le visage hâlé, les yeux pâles posaient leurs taches claires et tendres sous les sourcils blonds embroussaillés. Tout dans la trop grande personne de M. de Bièvre révélait une force extrême et une immense bonté. Embarrassé par le regard d'Antoinette qu'il sentait peser sur lui, il demanda, se mettant en marche, « Je ne vous offre pas mon bras, vous aimez mieux marcher seul, n'est-ce pas ?» Et ils commencèrent leur promenade à travers les étables, les écuries et les jardins. Elle, gaie et rieuse, ne se souvenant plus de la gêne momentanée qu'elle avait ressentie, se livrait heureuse de vivre et de se sentir aimée, oubliant presque que Guy allait dîner en tête-à-tête avec la petite de la Soleil. Monsieur de Bièvre, au contraire, nerveux, contraint, agité, ne sachant que dire et cachant gauchement son malaise sous une indifférence mal jouée. Ils entendirent sonner la cloche. « Voulez-vous que nous rentrions ?» proposa Jacques. « Je n'aurai que le temps de changer de costume avant le dîner. » « Le dîner, quelle heure est-il donc ?»« 7h30. »« Comment, déjà ?» Comme elle revenait directement vers le château, il s'arrêta. « Non, si vous le voulez bien, nous passerons par ici. » Il la fit entrer dans une allée de hêtres superbe. Une belle allée sombre, au sol couvert de pervenches en fleurs. « Ah ?» dit-elle. « J'aurais cru que par là, c'était plus long. » Il répondit, sans regarder Antoinette. « Oui, mais c'est mon allée. C'est ici que je me promène toujours. Et je voulais y venir avec vous. » Le jour finissait. Sous le feuillage épais des hêtres, elle distinguait à peine le visage de Jacques. Il avait parlé très bas, et sa voix paraissait hésitante et troublée. Elle répondit, voulant secouer l'émotion qu'elle gagnait aussi. « Ah bien, elle n'est pas gaie, votre allée. Mais je ne suis pas gaie non plus, moi. » Ils arrivaient à la pelouse qui est devant le château. Monsieur de Bièvre prit la main d'Antoinette et l'appuya contre ses lèvres en murmurant si bas qu'elle l'entendit à peine. « Je vous remercie d'être passé ici avec moi. » Pendant qu'elle attendait dans le salon Jacques, qui était allé s'habiller, la comtesse marchait dans l'immense pièce, regardant les belles tapisseries et les vieux portraits de La Gillière et de Nattier, où souriaient les jolis aïeuls de Monsieur de Bièvre. Sur une table ancienne, de bois doré à marbre rose, un grand vase de cristal d'où s'élançaient des pivoines jaunes soufre et des lys du Japon, et un peu partout, sur les consoles, sur le piano, des fleurs. Ça et là, sur des chevalets, quelques tableaux modernes, puis des livres, des revues, des journaux. Un je ne sais quoi de meublé, de vivant et d'intellectuel qui plut à Antoinette. Dans ce salon, elle sentait une impression de confortable et d'intimité, et quand Jacques rentra en habit et en cravate blanche, lui offrant son bras pour passer dans la salle à manger, elle lui dit gaiement « C'est joli comme tout chez vous, on s'y plaît tout de suite. » Ravi, il serra doucement contre lui la main qui se posait sur son bras. Il éprouvait à sentir Antoinette seule avec lui, chez lui, une joie enfantine et intense qu'il n'avait jamais espérée. En entrant dans la salle à manger, la comtesse vit les deux couverts mis en face l'un de l'autre, et elle rougit malgré elle. Monsieur de Bièvre, qui s'en aperçut, fit signe au maître d'hôtel de changer son couvert et de le mettre à la droite d'Antoinette. Alors elle rougit plus encore. Ils étaient là, à présent, non plus comme deux maîtres de maison, mais comme deux amoureux. Dès que le premier instant d'embarras fut passé, la comtesse redevint d'une extrême gaieté, faisant vibrer de son beau rire les vieux lambris de la grande salle à manger. Et Jacques, silencieux, ne mangeant rien, l'écoutait parler et la regardait manger de son bel appétit de femme de plein air. Tout à coup, elle dit avec regret « Quel dommage qu'avant le dîner, je n'ai pas eu le temps de voir l'intérieur du château. Qu'est-ce que ça fait? Vous le verrez après. Oh, à la lumière? Pourquoi pas ?» Quand ils se retrouvèrent seuls dans le salon, Antoinette s'approcha du plateau sur lequel était le café et se mit à le servir, faisant là, comme chez elle, son métier de femme. Monsieur de Bièvre la suivait du regard, ému, attendri à pleurer de la sentir presque à lui, dans ces mille petites intimités faites d'indéfinissables rien. Au bout d'un instant, elle demanda « Vous ne fumez pas ?»« Eh non. Pourquoi ?»« Parce que j'aurai bien le temps de fumer quand vous ne serez plus là. » Elle répondit en riant Mais c'est que j'y suis encore pour longtemps, vous savez, il n'est que 8h30. » Et subitement, son regard clair s'assombrit, son sourire s'effaça. Elle venait de penser qu'à 7h, son mari arrivait au théâtre avec Madame de la Saulaie. Et elle se représentait, la petite femme, toute pimpante et parfumée, pomponnée à ravir, avec son drôle de petit nez fureteur et ses jolis yeux bleus un peu durs et bébêtes, mais si bleus et si jolis. Depuis qu'elle rêvait, elle ne parlait plus. Assise dans une attitude lassée, au fond d'une grande bergère de vieille soie aux couleurs éteintes, elle était loin des roches, loin de M. de Bièvre, loin de tout ce qui n'était pas Guy. Et Jacques, inquiet de ce changement brusque, ne put s'empêcher de demander « Qu'est-ce que vous avez ?» Elle répondit presque avec emportement « Rien, mais rien, rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'aie ?» Il s'était mis à ses pieds sur des coussins. Il voulut lui prendre la main, mais elle le repoussa, se levant toute droite d'un mouvement saccadé, presque raide, la voix dure, à peine polie. « Vous m'aviez promis de me montrer le château. » Il se leva aussi et, prenant une lampe, « Soit, allons voir le château. » En montant le grand escalier de pierre, il indiqua une espèce de niche creusée dans le mur et fermée par une porte. « Ça, dit-il, c'est la boîte de l'horloge et le refuge des hiboux. » Et après un silence, il ajouta « Puisque nous en sommes aux hiboux, je vais vous montrer ma chambre. C'est là. » Il s'arrêta devant une porte cintrée et s'effaçant pour laisser passer Antoinette. « Voici ma caverne. » Elle entra dans une pièce énorme, de la même taille que le salon et tendue aussi de superbes vieilles tapisseries. Il demanda « Eh bien, croyez-vous que c'est assez pour un homme seul ?»« C'est très bien. » Il posa la lampe, s'assit près d'elle sur un grand divan bas qui tenait tout un côté de la pièce et la regardant. « Restez. Oh, restez là un instant. Voulez-vous ? Laissez-moi vous voir encore. » Et vous remercier du très grand bonheur que vous m'avez donné. Oui, en me permettant de vous voir chez moi, d'avoir un instant l'illusion que vous êtes à moi. » Elle voulut se lever, mais, suppliant, lui prenant les mains, il la fit se rasseoir et reprit « Quand vous ne serez plus là, je respirerai encore votre parfum. Je croirai voir encore votre chère petite figure rieuse. Je serai heureux des souvenirs que vous laisserez derrière vous. Ce sera presque le bonheur. » D'une voix blanche, il ajouta « À moins que je n'arrive à être tout à fait fou. » Ses yeux bleus se voilaient de larmes et dans ses mains devenues moites, il serrait à les briser les mains d'Antoinette, effarée et tremblante. Elle fit un mouvement vers lui et sans même savoir ce qu'elle faisait. « Je vous en prie. » « Vous me priez de quoi ? De vous laisser partir ? Je vous fais peur. Eh bien venez, descendons. » Il lui lâcha les mains et se leva. Puis brusquement il se rassit, et cachant son visage dans ses longues mains pâles, il se mit à pleurer silencieusement en murmurant « Je vous aime tant, si vous saviez, tant !» L'explosion de ses douleurs sincères émut profondément Antoinette. Elle regarda ce grand garçon qui pleurait pour elle, et aussitôt elle pensa à Guy. Elle le vit assis dans la loge, derrière la petite de la Saulaie, lui murmurant à l'oreille des fadeurs, en faisant voltiger de son souffle les petites bouclettes blondes de sa nuque. Puis de nouveau, elle regarda M. de Bièvre. Il avait relevé la tête et laissé voir, sans fausse honte, son pauvre visage bouleversé tout couvert de larmes. Il balbutia, les lèvres tremblantes, essayant de sourire. « Ah, que vous devez me trouver bête, et comme vous devez vous moquer de moi !» D'un mouvement brusque, Antoinette se jeta dans ses bras et, se serrant contre lui, elle balbutia très bas. « Ah non, je ne me moque pas de vous !» Et tandis qu'il l'emportait, affolée de bonheur, elle pensait à son mari, qui la trompait, ou qui, du moins, faisait ce qu'elle considérait comme aussi coupable qu'une tromperie réelle. Elle eut la vision de son bonheur perdu, de sa vie gâchée, finie, mais résolument, sans remords. Elle se donna à Jacques, heureuse de le rendre heureux. Quand, revenu de la surprise et du bonheur que lui avait causé cet étrange abandon, M. de Bièvre fut assez calme pour réfléchir. Il devina ce qui se passait dans la pauvre âme troublée d'Antoinette, et lorsqu'au moment du départ elle lui tendit ses belles lèvres rouges qu'il aimait si passionnément, il les effleura timidement, et l'enveloppant de ses bras caressants, il murmura sans reproche, tendre et bon, compatissant au chagrin qui le faisait lui aussi souffrir. « Me le direz-vous encore à moi que vous n'êtes pas jalouse ?» Ainsi s'achève « Pas jalouse » de Gypes.